Chapitre 5e. Nick Carter entre dans la société. Joey Thompson prit la parole. Chasseur d'or, vous voyez devant vous Mr. Edward Powell, de Saint-Louis. C'est le frère du traître qui est actuellement plongé en léthargie dans la chambre funèbre et sur le sort duquel vous devez vous prononcer. Il est rentré dans notre société pour expier la trahison de son frère. Il a déjà consenti à prononcer le serment par lequel il sera enchaîné à nous pour toujours. Un sourd murmure se fit entendre dans l'assemblée. Est-il sûr? N'avons-nous pas de trahison à craindre de lui? Non, répliqua Joey. Nous ne lui rendrons d'ailleurs pas la liberté aussi vite que Henry Powell. Nous ne lui laisserons pas la faculté d'aller venir dans la maison, pour qu'il ne soit pas tenté de s'échapper comme son frère. Il se liera à nous par serment, et nous le garderons prisonnier jusqu'à ce qu'il ait subi l'épreuve, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait exécuté un coupable. Alors seulement, nous lui rendrons la liberté, car il ne pourra plus rompre les chaînes qui l'attacheront à nous. Quelqu'un a-t-il une objection à faire? Personne n'éleva la voix pour réclamer. Bien, reprit Thompson. Sachez donc, Edward Powell, que vous voyez en moi le chef de la société secrète des chasseurs d'or. Notre association est dirigée contre les riches. Nous les soulageons d'une part de leur fortune dans l'intérêt de notre communauté. Nick se renversa en arrière contre le dossier de sa chaise et croisa les bras sur la poitrine. « En d'autres termes, dit-il froidement, vous êtes fine société de scélérats, de bandits et d'assassins. » Ces paroles déchaînèrent une tempête d'indignation, mais Joey calma ses complices surexcités. « Ne vous fâchez pas, dit-il. Mr. Powell a la franchise un peu brutale, mais il consent néanmoins à être des nôtres. Vous savez que nous avons des moyens pour briser en lui toute velléité de résistance. » S'il refusait d'appartenir corps et âme à notre société, il n'échapperait pas à la mort. « La mort !» crièrent comme d'une seule voix les malfaiteurs. Nick Carter fit semblant d'être très épouvanté et dit « Par le ciel, je préfère appeler les choses par leur nom, et j'en suis persuadé, il n'y en a pas un parmi vous qui ne me donne raison dans son fort intérieur. Je consens à m'enrôler dans votre société puisque je ne peux pas faire autrement. Pour la même raison, vous n'avez pas à craindre qu'Edward Powell vous trahisse jamais. » En votre qualité de membre de la société, vous aurez à verser tous les ans une contribution de 50 000 $, reprit Joey. Le premier versement est immédiatement exigible et j'espère que vous ne vous refuserez pas à signer aujourd'hui même un chèque de la somme indiquée. Non, je ne refuserai pas, répliqua Nick. 50 000 $, c'est beaucoup à la vérité. Et vous me ruinerez complètement si vous persistez dans vos exigences. Mais je suis bien forcé d'en passer par où vous voudrez. « Vous entendez, chasseur d'or ?» s'écria Thompson. « Mr. Powell signera notre chèque. Il se montre dès le début beaucoup plus raisonnable que son frère Henry, qui est pourtant bien plus riche, et refusait de nous verser 100 000 $. » Cette déclaration faisait manifestement une impression excellente sur les membres de la société. « À présent, Edward Powell, vous allez prêter le serment qui doit vous enchaîner à nous, » dit Thompson. « Levez-vous. » Nick Carter se leva et tous les assistants suivirent son exemple. « Étendez la main droite et répétez ce que je vais vous dire. » Le détective obéit. Thompson lui dicta une formule de serment terrifiante qu'il répéta mot pour mot. Quand il eut prêté le serment, Joey se fit donner une coupe avec du vin. « Pour rendre ce serment inviolable, nous allons mêler notre sang, » déclara Joey. « Relevez votre manche. » Nick obéit. Le malfaiteur s'approcha. Il lui fit une légère entaille au bras avec un canif. Le sang coula de la coupure. Thompson en fit tomber quelques gouttes dans la coupe de vin. Puis il se fit également une petite entaille et deux autres membres. Puis il se fit également une petite entaille et deux autres membres de l'assemblée limitèrent. Le sang de quatre hommes était mêlé dans le vin. Alors Thompson tendit la coupe au détective. « Buvez !» ordonna-t-il. Nick Carter se soumit à la formalité et les autres burent après lui. Alors le chef de la bande prit la main du néophyte et déclara « Vous êtes désormais des nôtres et nulle puissance au monde ne pourra jamais vous séparer de nous. Mais pour que nous vous admettions tout à fait, il faut que vous ayez tué un homme et prouvez par là que vous êtes résolu à vous conformer à tous les ordres de la société des chasseurs d'or. Et gardez-vous de nous trahir, ce serait votre perte. Notre société est puissante, aucun coupable ne peut lui échapper. Vous avez vu vous-même combien de traîtres elle a déjà exécutés. » Nick Carter se rappela les nombreuses têtes de mort que Thompson lui avait montrées dans la chambre funèbre et sourit. Il savait bien que ces crânes ne provenaient pas tous des victimes de la société. car il y en avait dans le nombre de très vénérables, comme l'avait remarqué l'œil perspicace du détective. Les scélérats s'étaient procurés des ossements en fouillant dans un vieux cimetière pour réaliser leur mise en scène et inspirer la terreur à leurs victimes. Il n'y a pas de police, pas de détective au monde assez malin pour nous prendre, poursuivit Thompson. Nous tenons à notre pouvoir le limier le plus célèbre et le plus redouté de toute l'Amérique. Il attend la mort dans ce cachot. Joey montra une porte de fer au fond de la salle. C'était celle qui communiquait avec la prison de Chick. Votre frère s'était évadé. Il voulait nous trahir et avait requis les services de ce détective. Deux membres de notre société sont tombés victimes du mouchard. Ils ne nous trahiront pas. Ils subiront leur sort avec patience et héroïsme. Quant à Henry Powell, il est retombé entre nos mains. Il expira son parjure. Je vous le dis, Edward, votre frère aurait pu fuir à l'autre bout du monde. Nous aurions fini par l'atteindre. Il nous a livré sans recours et vous partageriez son sort si vous osiez vous évader d'ici ou essayer de nous trahir. Vous avez compris ? Nick Carter s'amusa en secret de la volubilité du criminel qui croyait intimider sa victime par toutes ses phrases sonores. Il feignait pourtant d'être très abattu. « Oui, j'ai compris. Je sais bien que je ne peux rien contre vous. Soyez sans inquiétude, Edward Powell n'est pas homme à manquer à son serment. » Je suis heureux pour vous de vous voir dans ces dispositions, dit Thompson. À présent, James Hale, ouvrez la porte du cachot de Nick Carter pour que nous le confrontions avant sa mort avec l'homme sous le déguisement duquel il a essayé de nous tromper. James Hale, le malfaiteur de triste réputation, tira de sa poche une petite clé compliquée et alla ouvrir la porte en fer. Les assistants tirèrent tous leurs revolvers et le braquèrent sur l'entrée du cachot. « Sortez, Nick Carter !» cria Thompson. Chick parut sur le seuil, un revolver à chaque main. Il fit un mouvement de surprise en voyant la bande rassemblée devant lui, mais un regard sur le second Edward Powell lui fit reconnaître Nick Carter. Il remit tranquillement ses armes dans ses poches. « Je vois, gentlemen, » dit-il, sarcastique, « que vous avez tout préparé pour ma réception. Je préfère donc ne pas ouvrir le feu, mais je me permets de vous prier de remettre également vos armes dans vos poches. » Le calme du prisonnier frappa sur le moment les malfaiteurs d'ahurissement, mais Joe Thompson éclata de rire. « Vous figurez-vous nous en imposer par cette attitude ? » s'écria-t-il ironiquement. « Vous vous trompez du tout au tout. James Hale, prenez-lui ses armes. » Chick tressaillit. Il ne se séparait qu'à regret de ses revolvers. Un signe du maître le détermina à se laisser vider ses poches par les criminels. « Là !» fit Joey. « Je vous annonce à présent, mon cher Nick, que la société secrète des chasseurs d'or vous a condamné à mort. Vous voyez donc devant vous le véritable Edward Powell, que vous avez si maladroitement essayé de copier. Vous devez remarquer tout de suite qu'il existe des différences sensibles entre vous et lui. « Je le reconnais, » répliqua Chick. « Bonsoir, Mr. Powell. J'espère que vous ne me laisserez pas dans cette fâcheuse posture. » Nick se contenta de hausser les épaules comme pour exprimer son regret de ne pouvoir intervenir. Les bandits éclatèrent de rire et leur chef dit « Vous errez encore, Nick Carter. Mr. Edward Powell appartient depuis quelques minutes à notre société. Et c'est lui qui remplira pour vous l'office de bourreau en ouvrant le robinet de la conduite d'eau. Vous périrez noyé dans votre cellule, à moins que vous ne préfériez la mort par le gaz. » Chick retourna tranquillement dans sa cellule. « Je vous laisse le soin de décider sur ce point, gentlemen. » Peu m'importe la manière dont vous m'exécuterez, car je vous prédis que vous ne réussirez pas. Faites couler l'eau. Quand il n'y aura trop, je la boirai. » Il rentra dans son cachot et les bandits échangèrent des regards stupéfaits. Ils ne comprenaient pas un pareil sang-froid, une pareille hardiesse en face de la mort. Ils demeurèrent une minute muets d'étonnement, et Thompson fit briller l'ampoule électrique dans le cachot de Chick pour s'assurer que ce dernier n'avait pas trouvé une issue. Ne voyant rien, il éclata de rire. « Fou que tu es ! » s'écria-t-il. « Si tu te figures nous intimider par ton calme, tu te trompes. Nous connaissons les ruses des mouchards de ta sorte. Nous ne nous en laissons pas imposer. Quand tu auras de l'eau jusqu'au cou, tu commenceras à comprendre que la situation est terriblement sérieuse. Tu ne seras plus si fier et tu gémiras d'anxiété. » « Fermez la porte, James Hale. » Thompson ressortit au milieu de ses complices. James ferma à double tour la porte du cachot et mit la clé dans sa poche. Le chef des bandits se tourna vers Nick Carter. « Nous allons préparer l'exécution de votre frère. Vous y assisterez. En attendant, nous allons vous enfermer dans une cellule qui vous servira de logis pendant quelques jours, pour que nous soyons tout à fait sûrs de vous. Vous signerez, après l'exécution, le chèque de 50 000 $. Nick parut réfléchir un moment. Il déclara avec une sombre résignation. « C'est entendu. James Hell, emmenez-le. » Le bourreau fit un signe et Nick Carter le suivit dans le corridor obscur. Il y avait au bout une porte que le criminel ouvrit. « Entrez !» ordonna-t-il. Nick se vit dans une petite pièce simplement meublée. Un lit, quelques chaises, une armoire, une table, une toilette, composaient tout le mobilier. Dès son entrée, le détective avait remarqué que la serrure avait un trou en dedans, si bien qu'il pouvait l'ouvrir au moyen de son passe-partout. « Je viendrai vous rechercher dans une heure, » déclara James. Joy Thompson vint voir le prisonnier dans sa cellule. « Avez-vous des armes sur vous, Edward ? » demanda-t-il. « Non, » répliqua Nick. « Bon, allez dans la salle des séances, James, et écoutez à la porte du cachot si le mouchard fait une tentative d'évasion. Laissez-moi la clé ici. » James Hell s'en alla et Thompson reprit. « Ainsi, Edward, c'est vous qui exécuterez Nick Carter, et vous assisterez à l'exécution de votre frère. Préparez-vous. » Nick Carter grommela quelques mots inintelligibles. Joey sortit, ferma du dehors, ôta la clé et l'emporta. À peine s'était-il éloigné que Nick Carter tira de sa poche secrète un trousseau de fins crochets et travailla en silence à ouvrir la porte. Au bout d'une minute, le pen céda, avec un léger craquement presque imperceptible. Le passage était libre. Revolver au poing, le maître poussa la porte avec précaution et regarda dans le corridor. Il ne vit personne. Un bruit de voix étouffée lui parvint de la chambre funéraire. Le détective s'avança à pas de loup jusqu'à la porte entrebâillée de cette salle et regarda par la fente. Les membres de la société secrète étaient rassemblés dans la chambre tendue de noir. Ils avaient ôté quelques dalles par terre et étaient occupés à creuser une fosse. Tout en travaillant, ils échangeaient des plaisanteries grossières. James Hell n'était pas parmi eux. Il était seul dans la salle des séances où il écoutait à la porte du cachot de Chick. Nick Carter alla sans bruit jusque-là et s'avança au seuil de la porte que le malfaiteur n'avait pas pris soin de fermer. James lui tournait le dos, l'oreille appliquée contre le panneau de fer. Le scélérat ne vit pas le détective approcher silencieusement. Lorsque, sentant instinctivement la présence d'un étranger, il voulut se retourner, il reçut à la nuque un formidable coup de poing sur lequel il s'affaissa comme un bœuf à l'assommoir. Nick Carter se pencha sur lui, le ligota en un tour de main et lui enfonça un bâillon dans la bouche. Puis il fouilla le malfaiteur jusqu'à ce qu'il eût trouvé dans sa poche la petite clé de la prison de Chick. Il ouvrit la porte de fer. « Chick » appela-t-il tout bas. Le premier aide du grand détective sortit. « Dieu soit loué, je m'ennuyais dans ce maudit tombeau. Après t'avoir vu, je savais bien que je n'y resterais plus longtemps. » « Chick, les scélérats sont tous réunis dans la chambre funèbre. Il ne faut pas qu'ils nous entendent. » Le détective porta James Hell ligoté dans le cachot d'où il avait retiré son cousin et referma la porte à clé, puis il mit un de ses revolvers dans la main de Chick. « Remonte vite à présent. Il faut à tout prix que tu trouves le moyen de sortir de la maison. Je pense que tu le pourras sans grande difficulté en passant par la fenêtre du cabinet de travail. Va chercher McCluskey. Qu'il vienne immédiatement avec un détachement de 30 hommes. Conduis-le directement dans les caves, tu connais le chemin à présent. Qu'on arrête tous les gens qu'on trouvera là-haut, quels qu'ils soient. Si quelqu'un essaie de te barrer le passage, ne le ménage pas et ne me fais pas attendre trop longtemps. » Chick s'en alla hâtivement. Il traversa le vestibule souterrain et remonta au rez-de-chaussée par le petit escalier. Cependant, Nick Carter retournait dans sa prison. Il referma la porte à clé au moyen de son crochet et s'assit sur le lit avec un soupir de soulagement. « Je vous tiens à présent, coquin, » murmura-t-il en brandissant le poing de la direction de la chambre funèbre. « Pas un d'entre vous ne m'échappera. Je vois d'ici la tête que vous ferez quand vous découvrirez que le prétendu Edward Powell est en réalité Carter. »